Bonsoir chers auditeurs et internautes de Vibration, comment allez-vous ce dimanche? J'espère que tout va bien pour vous. Il est 21h et 21h c'est l'heure de Milky Waves, votre émission favorite de musique électronique. Alors vous savez quoi? Ce soir, on fête ensemble le 10e épisode de Milky Waves, elle est pas belle la vie. Alors, 7 heures de mix est animé par Dr Peppers qui nous a fait un mix un peu spécial ce soir puisqu'il a choisi des titres exclusivement composés ou mixés par, j'ai nommé, Twardowski. Alors Twardowski, je vais vous le présenter durant l'heure que nous allons passer ensemble. Mais tout d'abord, place à la musique avec le premier titre qui tape bien. C'est 21 Weeks. Allez, c'est parti. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Dr. Peppers. Thank you. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Dr. Peppers. Nous venons d'écouter 21 Weeks de Twardowski. Alors comme on passe une heure avec lui, je vais un petit peu vous le présenter. Son prénom c'est Svatoslav Twardowski. Ah, j'arrive à le dire, c'est pas facile. Pourtant ça commence par TVA, hein, et en Belgique on connaît. Alors il vient d'Ukraine, plus précisément de Kiev. D'ailleurs si vous voyez sa photo, il ne s'est pas caché ses origines. Hein. Il est très très typé de l'Est. Allez, je vous donnerai d'autres infos tout au long de l'émission. On va quand même passer directement à son deuxième morceau, Beautiful Silence, et c'est remixé par Alessandro Diga. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. nous venons d'écouter Beautiful Silence de Twardowski, remixé par Alessandro Diga. Toujours à propos de Twardowski, il faut savoir que c'est un DJ, producteur, clubber, listener. Depuis 2008, il passait ses week-ends dans les clubs de Kiev et puis bon, ben, il a commencé à se faire connaître dans d'autres villes alentour. Et la qualité de ses créations est reconnue de tous, il faut bien le savoir. Et maintenant, nous allons écouter un morceau qui a été remixé par Twardowski. Il ne nous quitte pas. Alors, l'artiste original, c'est Stephen G. Kroos, un Hollandais d'Amsterdam. Et le morceau, c'est Code, C-O-D-D. On écoute ça. Milky Waves. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Vous écoutez toujours Milky Wave sur Vibration, vibration.fm ou bien 107.2 Bruxelles ou 91.0 Mons. Et nous venons d'écouter le Hollandais Stephen G. Kroos avec Code, remixé par Tvardovsky qui a remixé le morceau qu'on va écouter maintenant. Et c'est un morceau d'un de ses compatriotes puisqu'il s'agit de Mac Shine qui vient également de Kiev. Et le titre c'est When the Stars Are Falling. Milky Waves. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Toujours sur Milky Waves en compagnie du Dr Peppers, on vient d'écouter Mac Shine avec When the Stars Are Falling, toujours remixé par Tvardovsky qui a remixé le morceau suivant également. Il a remixé le producteur allemand Soli qu'on a déjà écouté les semaines auparavant. avec le titre, cette fois-ci, c'est Jules, J-U-L-E, sans S. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Dr. Peppers. Écoutez toujours Milky Waves épisode 10 sur Vibration. Et nous passons le cap de la moitié de l'émission déjà avec Soli et Jules. C'était remixé par Twardowski. Toujours à propos de Twardowski, ben j'ai vu qu'il demandait 500 euros pour 2 heures. Donc voilà, si vous avez envie. Ben à mon avis, c'est pas mal payé pour le niveau de vie ukrainien. En parlant d'Ukraine, justement, j'étais me renseigner, c'est 20 fois la Belgique et 4 fois la population belge. Et j'ajouterais que l'Ukraine fut indépendante de la Russie en 91. Mais bon, c'est en train de changer si vous suivez les actus. Voilà, c'était notre instant culture sur Milky Waves. Parce que ici aussi, on apprend des belles choses. Bon, allez, j'ai compris, j'arrête de vous gonfler avec ça. Alors, on passe au morceau suivant de Twardowski et c'est Agonia. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Dr. Peppers. Nous venons d'écouter Agonia de Twardowski. Vous écoutez toujours Milky Waves sur Vibration avec le Raph au micro et Dr Pepper sur platine. Et le prochain morceau de Twardowski remixé par le Colombien Riquesto. Il s'appelle So Sadly, c'est si triste. Mais non. Allez, on y va. Twardowski avec So Sadly Request Remix. J'ai demandé à Dr Peppers, notre gentleman DJ de ce soir, pourquoi il avait choisi Twardowski. Eh bien, il m'a dit qu'il avait choisi parce qu'il adore sa sonorité et parce que c'est une source d'inspiration incontestée dans ce qui se fait en progressive house actuel. Voilà, il m'a dit, je cite, « Chaque remix de sa part est une tuerie ». Eh bien, permettez-moi d'être d'accord avec l'analyse de Dr Peppers. Je trouve ses mix très propres et très soignés, vraiment. On sent le souci du détail. Alors, le morceau suivant de Twardowski que nous allons écouter, c'est « Stories from the Future ». This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Yeah. Après les histoires du futur, Stories of the Future, on continue avec les sonorités propres ukrainiens, qu'ils soient compositeurs ou mixeurs, ici en l'occurrence Seth Fardovsky. Et donc on continue avec le prochain morceau qui se nomme Love Code. This is Milky Waves, hosted by Raf, with on the decks, Dr. Peppers. Thank you. toujours sur Milky Waves avec le Raph au micro et Dr Peppers au platine. C'était Love Code de Twardowski. Twardowski, aujourd'hui, il a la chance de passer dans Milky Waves sur Vibration, mais il faut savoir qu'il est résident sur Proton Radio à Los Angeles, Dar London, Stereo Paradise à Kiev, sa ville d'origine. Et il est aussi guest sur des radios dans des villes comme Kiev, Amsterdam, New York, Bucarest, San Francisco, excusez du peu. Donc pas mal hein, pour lui. Après Love Code, et puisque l'amour est aveugle, ben, le prochain morceau il s'appelle Blind. Milky Way. We'll be right back. C'était Blind de Twardowski et son prochain morceau c'est Face. Si vous avez aimé cette soirée à thème, ben, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur Facebook, Milky Waves, W-A-V-E-S à la fin. Et puis voilà, si vous avez quelque chose à nous dire de gentil, je préfère de gentil, hein. Et bien voilà, vous nous écrivez quelque chose sur Facebook. Milky Waves. Nous sommes à la fin de cette émission, Milky Waves en compagnie de Dr Peppers, le Raph au micro toujours. C'était une soirée consacrée à Twardowski, ah j'arrive à le dire enfin. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 21-22h. Et d'ici là, n'hésitez pas à embellir votre son. Bye bye!